Exercice 13, page 133. Avec toi, c'était différent. Je le répète. D'abord, j'ai été attirée par ta photo. Tu as l'air solide et on a envie de te faire confiance. Au café, tu ressembles à cette image. Et je me suis demandé si ce n'était pas trop beau pour être vrai.